Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et je serai un des animateurs de cette merveilleuse émission sur l'automobile. L'autre est mon ami, collègue et éleveur canin, Monsieur Marc Bouchard. Salut Marc! Oui, éleveur canin. Oui, effectivement, mes chiens sont plutôt présents dans ma vie. Surtout quand je parle au micro en général. Écoute, j'ai fait une entrevue sur les ondes de la radio de Rimouski cette semaine. Mm-hmm. Et il était 7h le matin, tout allait bien, les chiens dormaient et tout. Et comme je venais à peine de conclure mon entrevue, ma femme est passée en courant, je sais pas trop pourquoi, et les deux chiens se sont mis à japper. Alors on a eu une conclusion canine là aussi, mon cher. Ouais, des fois le timing, hein, c'est un petit peu bizarre. Exactement. Bon. Alors oui, ça me fait plaisir d'être avec toi à nouveau cette semaine, Luc, pour un nouveau podcast. Et là, si tu me permets, je vais tout de suite commencer en faisant une plug pour nous. Ben, vas-y fort. Il y a un site qui s'appelle Pod Québec. Oui. Qui a fait un classement des 100 podcasts les plus connus, en tout cas les plus écoutés, du Québec. Mm-hmm. Et Ça roule Radio était en dehors du top 100. On a lancé, toi et moi, un petit appel sur Facebook. On était maintenant rendu numéro 22 ou 23. Ouais, surtout toi, là, parce que moi j'ai de la misère à me shameless plugger, comme on dit. Fait que je vais être franc, là. Ça nous donne rien, là. Non, c'est juste pour le plaisir de la chose, puis de voir ça grimper. C'est ça. Et je voulais absolument que Ça roule Radio dépasse Réalité Augmentée, qui est ton autre podcast que tu fais sur la technologie. Ben oui. Et je voulais être sûr de passer en avant de toi, donc j'ai fait un appel aux gens pour qu'ils votent. Merci à ceux qui ont voté pour nous. Mm-hmm. Vous pouvez toujours le faire d'ailleurs. On aime ça progresser dans le classement. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. Sauf que je trouve ça intéressant que vous alliez sur le site de Pod Québec. Parce que dans le top 100, dites-vous qu'il y a d'excellents podcasts. On est pas mal les seuls sur l'automobile. Mais si vous connaissez pas la notion de podcast, vous avez là vraiment un bel annuaire de ce qui se fait au Québec. Et il y a des choses vraiment intéressantes. Il y en a qui sont moins. Évidemment, ça dépend de vos sujets de prédilection. Mais c'est quand même super intéressant d'aller voir ce qui se fait ailleurs et de voter pour Ça roule Radio en même temps. Ça coûte rien. C'est ça. Il y a quelques sites comme ça. Il y a aussi RZO Web qui est un annuaire de podcasts. Donc, si vous aimez Ça roule Radio, vous aimeriez ça élargir vos horizons sur les podcasts. Mais il y a toujours ces sites-là. Là. Mais si ça vous tente, allez voter pour nous sur Pod Québec. Je vais mettre le lien à un moment donné sur la page Facebook de Ça roule Radio. Un petit plus. Tout d'un coup, on se ramasserait premier. Je sais pas si on se ramasse premier, mais je peux te dire qu'on est déjà en avant de la soirée T'es encore jeune de Radio-Canada, ce qui est une petite flatterie personnelle. C'est quand même pas si pire, hein? Bon, ça veut rien dire, là, parce qu'on a eu comme 22 votes, puis les autres en ont eu comme 19, mais bref, on est quand même en avant. On parle pas de millions de votes ou de milliers de votes, on parle de quelques votes, là, en bas d'une cinquantaine. C'est bon. Donc, Marc, si tu voulais nous parler, l'AJAC a annoncé les gagnants de la voiture verte de l'année. Oui, ben en fait, on fait ça chaque année. L'AJAC, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est l'Association des journalistes automobiles du Canada. C'est donc dans le cadre du Salon de Vancouver où l'on nomme les voitures vertes de l'année. On se rappellera qu'au Salon de Toronto, on avait nommé la voiture canadienne de l'année. Mm-hmm. Mais là, les véhicules verts. Pourquoi je dis véhicules? Parce qu'il y a la catégorie voiture et il y a la catégorie utilitaire et multisegment. C'est ça. Dans le cas de la voiture, sans surprise, c'est la Toyota Prius qui l'a emportée. Mm-hmm. Et dans le cas du multisegment de l'utilitaire, c'est sans surprise le Toyota RAV4 hybride. Faut dire que dans ce dernier cas-là en particulier, objectivement, la lutte était un peu bizarre parce qu'il s'est retrouvé avec le Mazda CX-9 et avec le Subaru Forester, qui sont de bons véhicules, même si le Subaru est un PZEV, là, donc supposément des émissions zéro partielles, mais quand même, c'était un peu bizarre, je trouvais, comme compétition, là, je trouvais ça un peu spécial. Mais l'année passée, c'est pas le Mazda CX-3 qui avait gagné ça? Oui, effectivement. Fait que c'est encore plus bizarre. Ouais, ben oui, donc, il faut quand même se souvenir que Mazda, c'est la compagnie qui actuellement mène au niveau du classement des moyennes de faible consommation. Donc en Amérique du Nord, si on prend la norme CAFE là, qui s'applique aux flottes moyennes de véhicules, c'est Mazda qui a le meilleur résultat, même s'ils n'ont aucune électrique et aucune hybride. Ouais, non, je trouve ça c'est correct. Je trouve juste bizarre. Non, pour moi, voiture verte veut dire voiture hybride rechargeable, électrique. Une voiture et là, ça va devenir intéressant l'année prochaine parce que là, on va se retrouver avec des voitures qui ont des technologies similaires, 100% électriques. Et là, ça risque d'être pas mal le fun à suivre. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Exactement. Ceci étant dit, mon cher, cette semaine, Et on espère que ce n'est que le début. On a un nouveau collaborateur. Ben oui. Et si tu permets, on va le présenter, parce que là, j'ai demandé de m'envoyer une petite bio, et on va en parler, puis on va le présenter après. Il s'appelle Samuel Lessard, c'est un jeune homme. Je dis jeune parce que moi, je suis vieux, là. Ben, moi aussi, fait que c'est correct. Il a en bas de 30 ans. Ouais. C'est un étudiant en journalisme à l'Université Laval, mais c'est d'abord et avant tout un solide tripeur. C'est un gars qui lit à peu près tout ce qui se fait en matière automobile. Et c'est un gars qui est l'administrateur d'un groupe d'amateurs d'automobile sur Facebook. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, virtuellement, bien entendu, parce que je ne l'ai jamais vu en vrai. Mm-hmm. Alors, Samuel, bonsoir. Alors, bonsoir les gars. Samuel, écoute, j'ai dit que tu étais un solide tripeux de char. Je pense que c'est vrai, là. Je pense que tu es vraiment malade de char. Ben, je pense pas que tu te trompes, Marc, en disant ça. Effectivement, si on peut faire un peu une petite histoire rapide, là, je pense que c'est ce qui a lancé ma carrière, pas ma carrière, c'est-à-dire, mais mon goût de l'automobile, c'est quand mon père m'a acheté mon premier guide de l'auto, qui était le guide de l'auto 2000 à l'époque. Et maintenant, je le possède toujours, ce guide de l'auto-là, puis il est tellement défait en morceaux à force que je l'ai regardé. À ce moment-là, j'avais à peu près une dizaine d'années. Okay. Et puis, effectivement, tripeux, c'est vraiment le bon mot. Genre, comme tu l'as mentionné, je consulte tout ce qui se fait dans le domaine de l'automobile quotidiennement depuis à peu près une vingtaine d'années. Là, ouais. Et ce qui est intéressant avec Samuel, Luc, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire, d'aller sur le groupe duquel il est administrateur. Samuel est un observateur acharné de la scène automobile. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est un gars qui connaît, qui s'intéresse à la fois aux nouvelles tendances et à la fois aux techniques des voitures, motorisation et tout ça. Mm-hmm. Alors, quand tu vas lire ses posts, très souvent, écoute, c'est très complet. Alors, ça, c'est intéressant. Et ça nous a été suggéré par un de nos fidèles auditeurs, mm-hmm. Frédéric, mm-hmm. qui nous a dit, écoutez, ça serait le fun si vous le joignez à vous autres. Et on a dit, ben oui, pourquoi pas le faire? Ben. En passant, Samuel, je sais pas si tu as tous les guides de l'auto. Oui, je les ai. Ben, pas, c'est-à-dire pas depuis 1967, là, mais depuis 2000, ma collection est complète, effectivement. Alors, tu regarderas dans les guides de 2005-2006 et tu vas voir que c'est les années où j'y participais. Ah, bon. Je n'étais pas au courant, mais je vais vérifier ça avec attention. Alors, c'est ça. Alors, ce qu'on veut faire maintenant, c'est qu'on veut intégrer Samuel à l'occasion pour qu'il fasse avec nous des nouvelles, en fait, sur l'industrie automobile. Évidemment, Samuel ne fait pas d'essai de voiture, on vous le dit tout de suite, là. Du moins pas pour le moment. Mm-hmm. Ouais. On ne sait pas où sa carrière le mènera, mais pour le moment, c'est pas le cas. Mais donc, il va être avec nous pour ça, et on veut aussi qu'il soit avec nous à l'occasion pour discuter de certains dossiers, de certains éléments, par exemple, que ce soit quand on parlera de dossiers d'actualité ou de trucs particuliers, ben ça va être le fun d'avoir un gars et d'avoir une opinion différente des deux vieux routiers que Luc et moi sommes. Ouais, vieux routier. Parce que là, Luc, tu te disais que t'étais vieux. Là. Ouais, non, je suis vieux en âge, routier, ça fait moins longtemps que je fais ça que toi, là, fait que je me considère pas encore ton égal, hein, je suis des côtes à manger encore. Non, effectivement. Ben alors, Samuel, bienvenue avec nous. Merci de m'accueillir, c'est gentil. On espère que tu vas avoir du fun. Tu vas voir que sur Ça roule radio, nous, on fait ça pour s'amuser. Mm-hmm. On fait ça pour avoir du fun et pour que nos auditeurs en apprennent un peu plus sur l'automobile. Alors, c'est ce genre d'affaires-là. Tu peux intervenir n'importe quand. Ça nous fait plaisir. Parfait. Avant de continuer, Luc, j'ai une petite nouvelle dont je veux te parler parce que j'ai décidé que tu étais pour me faire un cadeau cette semaine. Ah, ben, faut que j'appelle mon banquier ou juste mon argent de poche à faire la job? Ben, je trouve que ça dépend de ton niveau d'argent de poche. Okay. Est-ce que tu as 1,4 million de dollars? Laisse-moi regarder, non. Écoute, j'ai trouvé un élément, un terrain à vendre en Colombie-Britannique. C'est le long de l'autoroute 1 à Tappan. C'est à peu près une heure à l'ouest de Kamloops. Okay. Okay? C'est un terrain qui est relativement imposant. Là, on parle de 5 acres à peu près. Il y a dessus un garage de 900 pieds carrés qui est tout équipé pour faire la restauration de véhicules. Il y a un édifice de 1200 pieds carrés en acier. Et il y a 8000 pieds carrés d'espace recouvert. Okay. Tu peux une espèce de carport là, où tu peux abriter ta voiture. Et il y a une maison complètement rénovée. Tu sais, jusque-là, tu dis, pourquoi je t'en parle? Parce que sur le terrain, il y a 340 véhicules vintage. OK. Dont la valeur va de 500 à 35 000 $ chacun. OK? C'est complètement fou. Faites une petite recherche, allez voir les photos. Il y a là des véhicules, il y a des Duster, il y a des Dart, il y a un vieux Challenger, il y a des vieilles camionnettes, il y a des affaires. C'est complètement débile. Bien sûr, ce sont des véhicules qui ont beaucoup, beaucoup besoin d'amour parce que ils ont été laissés à l'abandon littéralement. Ils ont... Écoute, le gars qui a ça, il a l'air d'un joyeux hippie. Il y a des dreads. Et tu sais, là, lui, il a acheté ça pour le fun. Puis... Mais là, c'est à vendre. Il a reçu aucune offre pour le moment. Il n'y a plus de fun. Non, c'est ça. Mais il a reçu aucune offre pour le moment. Mais je suis certain que là-dedans, il y a vraiment des pièces de collection absolument spectaculaires. Spectaculaires. Écoute, allez voir ça, c'est complètement fou. C'est en Colombie-Britannique. Ça fait partie des choses qui sont, comment je pourrais dire, impressionnantes. Et c'est là-dedans souvent qu'on trouve des modèles qu'on avait pensé oublier depuis longtemps. Là. Je vous dis, faites une petite recherche, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et Luc, je te signale que ma fête, c'est la semaine prochaine. Je sais la tienne aussi, mais... La mienne, c'est la semaine prochaine. Ouais, théoriquement, tu me fais un cadeau avant, puis je vais pouvoir baser mon cadeau sur le cadeau que tu vas me faire. Fait que, parce oui, mais, que ma fête tombe une journée avant la tienne. Fait que, ton cadeau, c'est que je participe avec toi à Ça roule radio. OK, ben ton cadeau, ça sera que je fais la même chose. OK, écoute, Luc, si tu permets, on va faire une petite pause. Oui. Et Samuel, t'es toujours prêt? Oui, je suis toujours prêt. Bon, ben écoute, après la pause, mon cher, on va faire ton initiation au bulletin de nouvelles parce que le micro va être à toi et c'est toi qui vas faire les nouvelles sur Ça roule radio. Alors, nous sommes de retour et Marc est parti faire une petite pause parce que à son âge, des fois, ça nous prend un petit break. Donc, je suis avec Samuel Lessard, notre nouveau collaborateur, qui va faire son premier bloc nouvelle à vie. Donc, je te laisse le micro. Le stage est à toi, Samuel. Parfait, parfait. Bon, on va démarrer ça tout rondement avec la compagnie Buick. Mm-hmm. Luc, qui va lancer la Chevrolet Volt, mais en fait, il va lancer sa propre version de la Chevrolet Volt, mais pas ici en Amérique. Mm-hmm. C'est vraiment du côté de la Chine. On sait à quel point la compagnie Buick est une compagnie qui se vend très bien en Chine. C'est une compagnie qui est très, très populaire. Un peu la raison pour laquelle Buick existe encore aujourd'hui, puis ça n'a pas passé dans le tordeur en 2010 avec Pontiac et Oldsmobile. Ouais, c'est parce que ça se vend bien en Chine, ouais. Puis tu sais, par exemple, le Buick Envision, qui est un véhicule qui est vendu ici, mais qui est fabriqué en Chine, justement, mm-hmm. parce que c'est un véhicule qui est là-bas et très, très, très vendu aussi, là. Mm-hmm. Donc, poursuivons avec cette version-là de la Chevrolet Volt qui va être vendue par Buick sous le nom de Velite 5. En fait, c'est à toute fin pratique une copie identique de la Chevrolet Volt avec quelques détails esthétiques qui sont modifiés. Mm-hmm. La mécanique, c'est pareil. C'est le même 4 cylindres 1,5 litres à injection directe qui n'entraîne pas directement les roues, qui agit à titre comme de génératrice. Là. Vraiment, c'est exactement le même principe. Ouais. Buick parle d'une autonomie purement électrique d'environ 100 km. Je pense que dans les faits, ce qui se calcule plus, c'est autour de 80 km. Là, peut-être que tu peux me corriger si je me trompe. Ça se fait. J'ai déjà réussi en calculant là ce que j'avais fait, puisque la Volt de nouvelle génération me disait que je pouvais faire. J'aurais pu faire alentour de 100 km tout électrique. On parle là, dans les conditions idéales pour une voiture hybride électrique, donc dans le trafic, là, pas à 100 km/h sur l'autoroute, mais c'est possible. Je te dis pas que les gens vont faire ça tous les jours, là, mais ça se fait. Là. Ouais, ça demeure une possibilité, comme tu dis, en fonction des conditions de conduite puis de la dans le contexte dans lequel on utilise l'auto. Là, c'est, disons, ça, là. C'est ça. Buick parle quand même d'une autonomie totale avec le réservoir à essence là, d'environ 750 km. Donc, c'est exactement pareil à la Volt, mais c'est du côté chinois, puis ça va s'appeler Buick Velite 5. Ouais, c'est joli comme concept. C'est joli comme voiture. Je trouve la calandre Buick avec le logo Buick va bien sur cette version-là de la Volt. Là. Oui. C'est bien. Ce que j'ai trouvé drôle, c'est ça s'appelle la Velite 5 parce que c'est supposé être 5 passagers. J'ai conduit la Volt, puis la personne que t'assois au centre en arrière, là, c'est pas la meilleure place, disons. Ouais, c'est ça, exactement. C'est soit un enfant ou soit tu l'aimes pas. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais les Chinois sont peut-être bâtis sur un frame un peu plus petit que nous autres. Peut-être que ça marche à 5 personnes, mais ouais, c'est ça. C'est possible, mais c'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable. Pas sur de longues distances à tout le moins. Non, c'est ça. Tu veux aussi nous parler de la valeur de la Civic SI 2018. Ouais, en fait, je veux surtout qu'on discute de la valeur de couple Ah de oui, la la valeur de Civic couple. Lessie 2018, Luc, parce qu'en fait, il y a peu de détails qui ont filtré. En fait, on sait à peu près ce que la voiture va avoir l'air. On sait quel moteur va l'équiper. C'est un moteur 4 cylindres 1,5 litre turbo, le même qui équipe actuellement les CR-V 2017, par exemple. Et aussi certaines versions de la Civic là, régulière. Mais on connaissait pas les spécifications du moteur. Puis cette semaine, il y a des membres d'un forum de discussion qui s'appelle Civic X qui ont reçu un courriel de la part de Honda par inadvertance, semble-t-il, là. Mais ce courriel-là contenait la valeur officielle de couple de la voiture. Donc on parle de 192 livres-pieds de couple. Et ce chiffre-là a été confirmé par Honda par après. Donc c'est vraiment le bon chiffre, là. C'est pas seulement une rumeur, c'est vraiment le vrai chiffre. Le chiffre de puissance n'est pas encore sorti, mais il y a plusieurs publications qui s'entendent pour dire qu'on devrait avoir un maximum de 230 chevaux environ. Si on d'un moteur 1,5, si on compare avec ce qui se fait ailleurs, on pense par exemple à la Volkswagen GTI, qui a un 4 cylindres 2 litres. La GTI, 258 livres-pieds de couple, et la Focus ST, elle aussi mue par un 4 cylindres 2 litres turbo, elle a 270 livres-pieds de couple. Donc, on peut se permettre de dire qu'effectivement, la Civic a un peu moins de couple que les deux autres, mais ça reste quand même, c'est-à-dire que ça va quand même être intéressant de voir comment cette voiture-là va livrer sa puissance, puis comment elle va se comparer à justement ses concurrentes, dans le fond. Moi, je trouve le chiffre de 230 un peu élevé parce que tu as une GTI, ça a 210 chevaux à peu près, la nouvelle. 220 avec le pack performance, si je ne me trompe pas, là. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas si ils sont capables d'atteindre ça, là. On verra, là. On verra. Effectivement, c'est des spéculations pour l'instant, ce maximum de 230 chevaux-là, mais on verra avec le temps quand on aura les spécifications exactes. Mais je suis sûr que ça va très bien se vendre pareil. Ouais, je suis pas inquiet du tout. La Civic SI, au fil des années, a quand même démontré des bonnes performances de vente, fait que ça devrait pas être un problème. Non, non, non, non. Aucunement. Ouais. Poursuivons, Luc, avec la compagnie suédoise Volvo, qui a annoncé cette semaine par son PDG, Monsieur Håkan Samuelsson, qu'elle allait axer l'essentiel de sa stratégie dans les prochaines années sur les véhicules électriques et non sur les véhicules à hydrogène comme certains autres constructeurs. En fait, le PDG, il se dit vraiment convaincu que l'avenir de l'automobile est vers l'auto électrique. Puis on voit un peu la tendance que Volvo a pris dans les 2 dernières années avec l'avènement de la motorisation T8, entre autres dans le XC90. Ce moteur-là, en fait, c'est un 4 cylindres 2 litres turbo et aussi suralimenté et qui a aussi un moteur électrique, donc qui est accouplé à ça pour faire une motorisation hybride, mais qui est également un hybride branchable. Donc, quand on arrive à la maison, on peut le brancher pour le recharger. Donc, Volvo a déjà commencé à prendre cette tendance-là vers l'électrification des transports. Et justement, ben, on s'en va de plus en plus chez Volvo vers des véhicules entièrement électriques. Comme il y a quelques semaines, le grand chef de Volvo USA, dans le fond des États-Unis, Monsieur Lex Kirsemakers a dit que le premier véhicule électrique de Volvo allait être lancé dès 2019 et qu'il allait coûter entre 35 et 40 000 $ US pour une autonomie d'environ 400 km. Ah, ça commence à être intéressant. Ça commence à être intéressant, puis c'est à peu près dans les mêmes spécifications, si on veut, qu'une Tesla Model 3, à peu près, là. On n'a pas plus de détails à savoir sur quelle plateforme ce véhicule-là va être offert. Est-ce que ça va être la plateforme qu'on connaît actuellement, qui est la SPA, sur laquelle il y a les XC90, ou ça va être la nouvelle plateforme CMA qui devrait accueillir la série 40 dans les prochaines années? On verra, mais seul l'avenir nous le dira, dans le fond. Mais pour l'instant, on sait que Volvo se dirige vraiment vers l'électrique, puis en passant, dans un premier temps, par l'hybride. Ouais, c'est ça. L'hydrogène, ça l'a eu connu un succès à un moment donné. Tout le monde voulait s'en aller vers ça. Tu même Hyundai qui avait lancé un Tucson à hydrogène qui est en vente en Colombie-Britannique. Ben, on Qu'on a entend. vu au Salon de l'Auto de Québec, d'ailleurs, il était là. Ouais, mais tu sais, on entend plus ou moins parler. Là, on a la Ioniq, puis c'est entièrement électrique. Fait qu'on dirait que Il y a même Hyundai s'en va vers plus l'électrique que l'hydrogène. C'est plus simple aussi. T'as pas de station d'hydrogène à implanter, des choses comme ça, là, mais. D'après moi, c'est plus électrique. Sont plus simples à implanter. Ben oui, ça te prend des bornes de recharge. Ça t'en prend beaucoup. Puis plus tu vas avoir de voitures, plus que tu vas avoir des demandes pour des recharges. Ça va te prendre une infrastructure pour ça. Mais tranquillement, on est capable de se rendre là. Oui, c'est ça. Puis on voit déjà une tendance du marché, comme tu dis, là, qui s'en va vers ça. Donc, Volvo ne fait à toute fin pratique que suivre la vague, si on veut. Ouais, c'est ça. C'est bien correct aussi. Ouais, effectivement. Puis Luc, si je sais pas si cette nouvelle-là va te rassurer, la prochaine qui s'en vient, en fait, j'ai envie de te parler d'une étude qui s'est faite à la University College London de Londres. OK. En fait, ça nous... en tout cas, c'est un peu inquiétant, mais ça nous dit que l'utilisation des systèmes de navigation soit intégrée dans l'auto ou qu'on peut rajouter, par exemple, en collant après le pare-brise. Bon, ouais, genre les Garmin puis les TomTom de ce monde, là, ouais. C'est ça. Bon, l'utilisation de ces systèmes de navigation-là pourrait rendre inopérantes certaines parties du cerveau. Ouais. Pendant la conduite, disons là. Donc, comme je te disais hors d'onde, avoir certaines personnes conduire, ça confirme là, mais c'est sûr parce que je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'étais parti sur un coup de tête avec mon Eagle Talon ESI. J'étais parti de Montréal puis j'étais descendu à Pittsburgh en auto. Puis t'avais pas de GPS à ce moment-là, probablement. Non, j'étais bien trop jeune. Le GPS, ça n'existait pas. Fait que c'était avec une carte, une bonne vieille map pliée, là. Parce qu'à un moment donné, t'avais des routes que tu voyais même plus tellement que le pli t'est rendu passé à travers l'angle de la map. Là. Ouais. Mais tu sais, j'étais parti, puis j'étais descendu avec une carte à Pittsburgh, puis j'avais jamais été là de ma vie. Mais ça t'apprend à te débrouiller, puis à apprendre à lire. Tu mémorises la route aussi. C'est ça. Tandis que là, ben tu mets le GPS puis tu suis le GPS puis là tu te promènes puis là le GPS te dit prenez la prochaine sortie à gauche puis elle te fait prendre la voie de service parce que en distance la voie de service est moins longue que tout droit sur l'autoroute puis elle te fait reprendre l'autoroute. Tu sais, un GPS c'est pas parfait là. Non, c'est loin d'être parfait. Je comprends l'étude que oui ça te tu deviens déresponsabilisé. C'est comme, le GPS va nous amener là-bas. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, ce qui ressort de cette étude-là, c'est que quand on n'utilise pas de GPS, le cerveau vraiment travaille pour trouver les meilleures voies, les meilleures routes pour se rendre à destination. Et puis, à un moment donné, il faut faire un choix aussi, quelle route on prend, tout ça. Donc ça fait travailler le cerveau. Tandis que quand on utilise un GPS, c'est tout le contraire. On se met en mode passif, on écoute ce que le GPS a à nous dire, et c'est tout, là. Ouais, donc, c'est vraiment ce qui fait C'est comme regarder un Fast and Furious. Tu mets ton cerveau à off, puis tu regardes le film. Là, tu mets ton cerveau à off, puis tu suis le GPS. Tu suis le GPS, c'est en plein ça. C'est à peu près ça. Une petite dernière? Oui, une petite dernière, Luc. Parlons de la mise à jour des moteurs TDI. Ouais. On sait, suite au scandale de Volkswagen qui est clos en septembre 2015. Mm-hmm. En fait, cette nouvelle-là concerne vraiment des véhicules européens parce que c'est là, c'est-à-dire des véhicules vendus en Europe, les véhicules qui circulent actuellement en Europe, mm-hmm. parce que la mise à jour là-bas est déjà disponible alors que c'est pas le cas ici de ce côté de l'Atlantique. Ouais. Cette mise à jour-là qui était faite par Volkswagen rendrait les véhicules moins performants. C'est du moins ce que nous apprend la revue automobile suédoise. Et là, vous me pardonnerez mon suédois qui n'est pas parfait. Mais cette revue-là s'appelle Teknikenvärld, mm-hmm. et il y a quelques années, elle avait été rendue populaire, cette revue-là, par un essai du Grand Cherokee qui avait fait du deux-roues, en faisant un essai d'évitement d'obstacles. OK. Mais cette même revue-là a testé des véhicules TDI comme des Golf, des Passat ou des Audi Q5 avant et après qui soit passé dans les mains du constructeur Volkswagen pour la mise à jour. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que la puissance et le couple ont tous les deux baissé après l'ajustement et la consommation d'essence aurait augmenté. Okay. Ce que ça nous dit aussi, c'est que, en fait, si on y va vraiment avec les impressions de conduite, c'est que le pilote d'essai de cette revue-là a remarqué qu'à vitesse de croisière, il y avait peu de changements parce que le moteur est tourne à une certaine vitesse. C'est ça c'est là que la puissance allait. Mais quand on est dans des situations de conduite à basse vitesse, mm-hmm. où on demande la puissance au moteur, c'est là vraiment qu'il y a le problème. C'est vraiment plutôt là où la puissance serait plus réduite. Bon, on a diminué le couple. Puis a diminué le couple à bas régime, en fait. Ouais, c'est ça. Ce qui était la merveille du moteur diesel n'est plus. Voilà, t'as tout compris. Ouais. Et puis la consommation d'essence qui est augmentée, mais ça vient à ce moment-là un peu contrecarrer les avantages qui sont utilisés, les arguments qui sont utilisés par les concessionnaires pour vendre ces voitures-là. De son côté, Volkswagen mentionne que effectivement la réparation devrait rien changer puis tout ça, puis on mentionne aussi qu'on n'a pas eu de plainte à ce sujet. Donc c'est ça, c'est là où on en est, à voir ce que ça va être quand la mise à jour sera disponible pour l'Amérique, le Canada et les États-Unis. Ouais, bon, effectivement. C'est pas vraiment surprenant comme nouvelle. Je me doutais bien que à faire des modifications pour les rendre moins polluants, on allait perdre quelque chose à un moment donné, là, de la puissance. Ben, ce qu'on gagne dans un aspect, on le perd dans l'autre. Exactement. C'est un peu ce principe-là qu'on constate finalement. Là. Ouais, donc, ouais, voilà. Il n'y aura pas de miracle. Ouais. Donc, c'est non, bon. Pas de miracle, effectivement. C'est bon, Samuel. Ouais. On va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, te lire, ils font ça comment? Ben, en fait, vous pouvez me contacter via ma page Facebook. Vous avez mon nom, Samuel Lessard. Vous pouvez me contacter sans problème. Je publie à l'occasion des articles là-dessus, des trucs que je fais. Mm-hmm. Sinon, il y a toujours, j'en profite au passage pour parler un peu du groupe que Marc a évoqué tout à l'heure. C'est un groupe d'amateurs d'automobile qu'on a sur Facebook. Si vous tapez dans la barre amateurs francophones d'automobile, on est là, vous allez nous trouver. Vous êtes les bienvenus à venir nous rejoindre si jamais le cœur vous en dit. Ouais, je vais y aller. Je suis pas membre encore de ce groupe-là, fait que je vais aller faire ça. Tout de suite après l'émission. Parfait. Fait que merci beaucoup, Luc, puis on se reparle pour une prochaine. Merci beaucoup, Samuel. Merci, au revoir. Donc, nous, on va faire une petite pause, puis on revient avec Marc et nos blocs essais. Alors, nous sommes de retour, et Marc, c'est l'heure de notre bloc essais. Cette semaine, tu vas nous parler d'une voiture que tu as eu beaucoup de plaisir à conduire, parce que tu as conduit ça en hiver, et j'imagine que c'est pas vraiment une voiture d'hiver. Tu as essayé la BMW 650 Cabriolet. X-Drive. Attention. Okay. X-Drive, c'est important parce que le X-Drive, ce que c'est, ça veut dire tout simplement rouage intégral. Donc, c'est ce qui m'a permis de ne pas me casser la gueule au moment où je conduisais la voiture. C'est quand même intéressant d'avoir une voiture qui est all-wheel drive, donc à traction intégrale, cabriolet. Normalement, ça ne va pas super bien ensemble parce qu'en été, tu n'as pas nécessairement toujours besoin de la traction intégrale. Mais la 650, de toute façon, c'est en soi un véhicule qui ne va pas très bien ensemble, je te dirais. Okay. C'est un gros véhicule. On parle quand même d'un véhicule qui est extrêmement long, qui est assez lourd. Il y a un long capot, il y a vraiment une longue partie arrière, il y a des gros porte-à-faux. Tu sais, c'est un véhicule qui est pas du tout... comment je pourrais dire, qui est pas conçu pour être extrêmement maniable. Okay. C'est vraiment un véhicule qui est là pour le look. Et à mon avis, c'est une des plus belles BMW disponibles. Là. Okay. Ouais. Sérieusement, là, moi, je la trouve magnifique. Elle est absolument superbe. Et évidemment, en version cabriolet, ben, c'est particulier parce qu'elle a effectivement un toit en toile. Mm-hmm. Mais un toit vraiment de très, très grande qualité qui donc permet de t'en servir littéralement comme si c'était un coupé traditionnel. Là. OK. Alors, c'est évidemment, on se retrouve donc avec une voiture qui n'a rien à voir avec un cabriolet d'été uniquement. Là. C'est vraiment, écoute, au niveau du chauffage, au niveau de l'insonorisation, au niveau de tout ça, on se sent vraiment à l'intérieur d'un habitacle totalement sophistiqué. La qualité des cuirs, la qualité des matériaux, définitivement, c'est un véhicule qui, de ce point de vue-là, est très intéressant. Je trouve ça intéressant et audacieux aussi de la part de BMW de laisser justement ces véhicules-là sortir l'hiver. Parce que c'est de prendre un risque. Écoute, on parle quand même pas d'un petit véhicule sans puissance. Là. Mm-hmm. C'est le 650. C'est un V8 de 445 chevaux. Là. OK, oui. Tu sais, là, c'est ça déménage solidement. Ouais, ça donne l'occasion de s'énerver un peu, si on veut. Là. Ouais. Effectivement. Ouais. Bon, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que tu peux baisser ou monter le toit à partir de 40 km/h. Je t'avoue que moi, quand je l'ai utilisé, c'était un peu plus tôt cette année. Je me suis amusé à rouler, pas de toit, parce que j'aimais l'idée de faire ça avec la neige. J'ai même amené mes chiens. Oui, sur la photo que tu m'as envoyée, je remarque tes deux magnifiques animaux en arrière sur le siège arrière. Oui. Qui font souvent les habitués du podcast, les connaissent d'ailleurs parce qu'ils interviennent assez régulièrement derrière moi. Donne leur opinion, c'est juste qu'on n'a pas de traducteur chien encore, mais peut-être à un moment donné. Exactement, mais écoute, c'est quand même un véhicule qu'ils ont apprécié, je peux te le dire, parce qu'évidemment, eux autres se tiennent vraiment confortable sur le siège arrière. Je t'explique tout de suite que ni chien ni céleri de cuir n'ont été maganés par mon essai. Là. C'est bon. J'avais mis quelque chose pour protéger parce que je trouvais que pour les besoins de la photo, c'était intéressant. Mais en fait, ce que je voulais surtout montrer avec ça, et c'est pas gentil, mais c'est que l'espace arrière, c'est pas nécessairement pour des passagers ordinaires. Okay. Écoute, ça demeure un coupé qui est un 2 plus 2. L'espace arrière est assez limité, notamment au niveau de la courbe de toit. C'est vraiment pas nécessairement facilement accessible. Moi, je suis pas très grand et je t'avoue que me glisser là, c'est pas l'histoire la plus confortable au monde. Ouais, j'imagine. Surtout si ton gars conduit en avant. Parce que... Ah, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, moi, j'ai fait mieux que ça. J'ai envoyé mon gars en arrière. Ah. Je sais pas s'il m'a pardonné, mais en tout cas, je l'ai envoyé en arrière. Ce qui manque, en fait, à ce véhicule-là, et honnêtement, c'est pas grand-chose, c'est peut-être des petits éléments un peu plus sophistiqués comme propose Mercedes-Benz, par exemple, le Air Scarf, mm-hmm. qui te permet d'avoir un petit jet d'air chaud dans le cou, même quand tu roules avec le toit baissé. C'est intéressant. Évidemment, là, comme je l'ai dit, c'est un peu fou de rouler avec ça en hiver, là, dans le sens où de rouler le toit baissé en hiver, c'était complètement débile. Mais pour le reste, écoute, t'as une transmission là-dessus qui est vraiment intéressante, qui se marie très bien avec le rouage intégral, peu importe les conditions. 8 vitesses automatiques là, que tu peux manipuler, évidemment, manuellement. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Sauf que ça demeure une voiture qui est dans une classe à part. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, physiquement, elle est très allongée. Donc, il faut aimer le genre. À l'intérieur, l'habitacle est intéressant pour les occupants avant, peut-être un peu moins pour les occupants arrière. Comme toutes les BMW du monde, c'est d'abord une voiture qui se tourne vers son pilote pour être vraiment agréable à conduire. Mm-hmm. Et ça, c'est la partie, je te dirais, qui est la plus remarquable de BMW, c'est qu'on fait vraiment des véhicules qui s'adressent à des pilotes. C'est tourné vers le conducteur et la série 6 ne fait pas exception. Mm-hmm. Et rajoute à ça ben, des conditions particulières, système de son qui est très bon. Tu sais, on est vraiment dans un beau cocon. Sauf que c'est 111 000 $ de base. Ouais. Celle que j'ai conduite avait en plus le package M-Sport qui vaut comme 8 000 $ de plus. Bref, elle valait, comme elle était, 126 900 $. Ça commence à faire cher comme cocon. Ça commence à faire cher comme cocon. C'est très confortable et j'adore ça. Comme je te dis, moi, la 650, c'est probablement ma BMW préférée en termes de look, de style et de conduite. Mais en même temps, c'est peut-être un peu excessif, je te dirais, comme concept. Ouais. Malgré tout, c'est agréable. J'ai apprécié pouvoir tester ses capacités en hiver. Comme je te dis, c'est pas quelque chose qu'on a souvent l'occasion de faire. Généralement, on va nous prêter des voitures plus standards ou des utilitaires sport. Ouais. Alors, j'ai aimé l'audace de BMW qui nous a permis de conduire ça en hiver. Mais évidemment, oui, c'est une voiture 4 saisons, mais une voiture que l'on apprécie passablement plus quand on est en plein été. Je t'avoue que me faire vanter les cheveux au vent, j'espère que je vais être capable de le refaire cet été. Ouais. Toi, par contre, t'as joué dans la carte un peu plus hivernale, je te dirais, avec ton essai. Oui, la semaine passée, j'avais une Subaru Impreza. Cette semaine, la semaine d'avant, j'avais une Impreza. La semaine passée, j'ai eu le Forester, donc le véhicule utilitaire de l'année de la JAC. C'est un véhicule que j'ai beaucoup apprécié, puis c'est vraiment... Juste avant d'aller plus loin, t'avais quelle version? J'avais la version... j'avais le EyeSight dessus. Je me rappelle pas quelle version. T'avais le Forester, est-ce que t'avais le XT, le turbo? Non, c'était la version... Je pense que c'est juste la version Touring, j'avais pas la version XT. Non. J'avais juste la version Touring. Fait que... Mais c'est un véhicule qui est très confortable, mais c'est un véhicule qui... C'est drôle parce que... comme j'allais dire, l'année passée, les dernières années, j'ai eu des Subaru, mais j'ai toujours eu des Subaru l'été. Fait que j'ai jamais eu l'occasion d'essayer les Subaru dans leurs conditions optimales, donc l'hiver. Et puis cette année, j'en ai eu deux l'hiver. Et juste pour me faire plaisir, le dernier vendredi que j'ai eu le Forester, Madame Nature m'a envoyé une autre tempête de neige. Fait que cette année, c'est quand même intéressant parce qu'une Subaru dans neige, c'est pas mal dans son habitat naturel. C'est pas mal ça, puis c'est pas mal le fun aussi. Ça se comporte extrêmement bien. J'ai vraiment beaucoup aimé le Forester. J'ai trouvé que c'était un véhicule qui est complet. Tu le conduis puis tu comprends pourquoi ça a pu gagner le prix de véhicule de l'année, mais véhicule utilitaire de l'année. La seule chose que j'ai un petit peu de misère avec, c'est que l'Impreza avait le nouveau système de divertissement, en tout cas un système qui a l'air beaucoup plus nouveau que celui qu'il y avait dans le Forester. Le Forester, c'est l'ancien système. Les choses se changent pas de la même manière. Tu veux changer l'heure, c'est pas de la même manière. C'est pas. T'sais, fait que j'avais l'impression que le Forester avait comme l'ancienne technologie qu'on retrouvait dans l'Impreza de l'année passée. Puis l'Impreza avait la nouvelle technologie, fait un système qui était plus facile à utiliser que celui du Forester. Juste un moment donné, juste quelque chose de bien bizarre comme ça, j'ai voulu changer l'heure parce que j'imagine que les gens qui l'ont eu avant moi ont pas trouvé comment changer l'heure. Fait que l'heure était encore à l'ancienne heure, l'heure d'hiver. Donc, j'ai changé l'heure. J'ai essayé de changer l'heure. Puis j'étais sur une lumière rouge, j'étais arrêté, le pied sur le break. Puis j'ai dit, bon, mais je vais changer l'heure pendant que je suis ici. Puis là, je commence à changer l'heure. Puis là, je pouvais changer l'heure. Je pouvais changer AM, PM, mais je pouvais pas changer les minutes. Quand je pesais sur le bouton pour changer, tu lèves, puis là, ouais. Tu changes de gauche à droite, ça changeait juste à appliquer ou à AM, PM, puis à reculer, à sortir. Puis j'étais pas capable d'aller aux minutes ou même à la date ou rien. Puis là, je me suis dit, ben, comment ça se peut pas? Ça doit être pour ça que personne l'a changé. Puis là, je me suis aperçu qu'il faut que tu sois vraiment en position park pour être capable d'aller changer les minutes. Fait qu'on te laisse changer l'heure, mais on te laisse pas changer les minutes si t'es pas sur le park. C'est un petit peu étrange, cependant, là. Ben, c'est quoi l'idée? Je sais pas. J'ai aucune idée. Fait que j'ai trouvé ça un peu spécial. Pour le reste, je veux dire, à part le système, cette partie-là, mais le système de divertissement connecté à un téléphone, ça se fait super bien. Il y a beaucoup d'espace. J'avais les sièges chauffants. J'avais pas de volant chauffant non plus dans ce modèle-là. Fait que c'est un modèle qui était pas le plus équipé. C'est sûr que vous pouvez l'avoir dans le modèle plus équipé. Mais Subaru, autant qu'on disait, tu sais, des fois, l'intérieur des anciennes Subaru, c'était un peu, tu sais, plastique de base. Puis c'est la conduite de ce véhicule-là. C'est le confort général de la voiture qui est assez incroyable. Je me suis promené dans ce véhicule-là pendant une semaine, puis j'avais l'impression que je le conduisais depuis 2 ans, là, en disant, ouais, c'est confortable. L'ergonomie est super le fun, à part ça, c'est bien fait. En fait, moi, le seul bémol que j'ai avec les Subaru, c'est leur côté beaucoup trop conservateur. Ouais. En termes de look, ouais. En termes de façon de faire les choses, ouais. Je trouve qu'ils sont extrêmement conservateurs. Et c'est bizarre parce que c'est probablement la compagnie qui nous présente les plus beaux prototypes et les plus beaux concepts. Mais quand on arrive au véhicule de production, on est conservateur. Et dans le cas du Forester en particulier, la silhouette continue d'être extrêmement conservatrice. Oui, on le reconnaît. C'est sûr, un Forester, ça se reconnaît. Ça a à peu près la même forme depuis des générations. On a amélioré l'allure. C'est une voiture qui est quand même très jolie, là. Mais c'est pas quelque chose qui va vous faire tourner les têtes. Mais c'est fonctionnel, c'est confortable, il y a de la place. Dans la neige, vous n'aurez pas peur de rester pris. Moi, c'est un véhicule que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Puis j'étais vraiment content quand je suis sorti. J'ai travaillé tard vendredi passé, puis je suis sorti. Il avait tombé une bonne croûte de neige. J'avais comme 2-3 pouces de neige à terre, là. Là, je suis sorti, j'étais content. Là. J'avais travaillé tard, j'avais le goût de moi. J'avais, ça faisait déjà une couple d'heures que j'avais le goût d'être retourné à la maison. Puis normalement, je serais sorti avec une de mes autos, puis là, je dis bon, ça y est, encore de la neige, je vais être pris dans la neige avec l'auto, ça sera pas le fun, pis ça. Là, c'était comme oh yes, de la neige! Puis je suis parti. C'est ça. Ben moi, je te l'ai déjà raconté, mais je le répète souvent, j'ai eu une Subaru Impreza pendant quelques années. Mm-hmm. Et ma femme conduisait ça. Et ma femme. Moi, je pourrais dire, aime conduire, aime le feeling de conduite. Mm-hmm. Et quand elle avait la Subaru, elle disait qu'elle avait le syndrome de la valise. Parce que quand il était des conditions un peu plus difficiles, elle dit, j'avais tendance à me tenir beaucoup trop proche de la valise de la voiture qui me précède. Ouais. Parce qu'elle était capable de le faire avec sa Subaru et les autres véhicules étaient moins capables de le faire. Alors, disons qu'elle s'amusait beaucoup avec la conduite de son rouage intégral, qui s'est encore amélioré depuis le temps, d'ailleurs, sur le Forester. Oui, c'est un véhicule, comme je disais, qui est stable, qui est le fun à conduire. Si c'est un véhicule qui vous intéresse, là, gamme de prix, on part de 27 785, donc un petit peu en bas de 28 000, puis on monte jusqu'à 41 000 avec la version complètement équipée avec le pack technologie, avec le moteur plus puissant, là, un moteur de 250 chevaux. Le moteur de base, c'est 170 chevaux. Il y a une transmission manuelle à 6 rapports, puis une transmission automatique CVT. J'ai pas trouvé la CVT fatigante, là. Je suis pas un fan des CVT. Mais ça faisait 2 Subaru de suite que j'avais, fait que peut-être que je me suis juste habitué, puis c'est pas quelque chose, tu sais, à comparer à la conduite de ce véhicule-là, je pense c'est un petit compromis à faire, je pense, une CVT. Puis j'imagine la majorité des gens qui sont pas fans de conduite, qui veulent se rendre du point A au point B, verront peut-être même pas vraiment la différence entre une CVT et une transmission automatique. Il y a des gens qui font pas la différence, là. Bon, j'étais plus patient que moi, là, parce ouais, que... mais j'ai pas détesté. J'ai trouvé ça quand même correct, puis ça s'est bien comporté dans neige. J'ai jamais eu de problème avec ce véhicule-là. Donc, si vous êtes à la recherche de ce type de véhicule, allez essayer le Forester. C'est pas... Encore là, c'est pas les premiers choix des gens. Là, on va toujours vers des gros VUS, des choses comme ça. Là, mais ça, c'est quelque chose qui est quand même pratique, quand même assez d'espace pour les passagers puis dans le coffre. Là. Moi, c'est un véhicule que j'ai bien aimé. Bon. Bon, c'est bon ça? Mon Dieu, ça fait changement. T'as pas encore fait petite coche cette semaine? Ben non, pas cette semaine. Donc, Marc, on va faire une petite pause puis on va revenir tout de suite après. Alors, nous sommes de retour et Marc, tu vas nous parler d'un autre essai. Oui, oui, tu as deux essais cette semaine. Tu vas nous parler d'une voiture que j'ai eu beaucoup de temps derrière le volant parce que moi, j'avais fait Montréal-Toronto avec. Tu vas nous parler du Chevrolet Malibu hybride. Ouais, je veux dire que j'ai deux essais parce que la BMW 650, je l'avais essayé un peu plus tôt cette année, en janvier, mais là, je voulais comme faire un petit wrap-up là, de ça. Et là, la Malibu hybride, ben, c'est celle que je conduis cette semaine. C'est celle qui est dans ma cour, entre autres. Et c'est un véhicule que j'ai beaucoup aimé. À ma grande surprise. Véhicule, les gens vont pouvoir voir sur l'émission Virage que tu as enregistré. Effectivement, qui va être diffusé à partir de mardi soir prochain, ouais. 21h30 sur les ondes de Télémag. Si vous n'avez pas Télémag, tout simplement, dans deux semaines, ça va être sur Internet, sur le site de Télémag, et je mettrai probablement le lien sur mes réseaux sociaux. Mais l'idée, en fait, c'est que c'est vraiment, la Malibu, on le sait, c'est d'abord un véhicule qui était un véhicule de flotte de location. Ouais, ouais. Sa réputation, c'était ça. GM aurait voulu que ce soit le contraire, là, mais c'était carrément ça, là. Ouais, ben, c'est ouais. Un véhicule qui était un peu drabe, qui était pas vraiment loin d'être spectaculaire, qui était, tu sais, assez passe-partout. Quand tu le prenais beige, tu faisais pas d'ombre quand tu passais avec ça dans le stationnement, puis c'était comme ça. Ouais. Quoique, quand le Malibu de nouvelle génération, là, tu sais, à un moment donné, c'était vraiment laid et carré, quand ils ont sorti avec le nouveau design, ça a quand même fait une petite vague, là. Il y a quand même eu des réactions positives à cette voiture-là, mais ça s'est essoufflé quand même assez vite, là. Effectivement, mais là, on arrive vraiment avec un modèle qui a été revampé l'année passée et qui physiquement est vraiment beaucoup, beaucoup mieux réussi. Mm-hmm. Bien sûr, là, on est vraiment dans la lignée de ce qu'on fait dans les autres modèles, c'est-à-dire la portion avant qui ressemble un peu à ce qu'on a fait avec la Volt et les autres, beaucoup plus de chrome, des phares, des blocs optiques avant là, qui sont aplatis, amincis vers les côtés, une silhouette qui est vraiment très, très jolie. Mm-hmm. Bref, on est vraiment là dans quelque chose d'assez chic. L'habitacle aussi a été assez bien pensé. Honnêtement, l'ergonomie est intéressante. Il y a un grand écran au centre. Toi qui aimes Apple CarPlay puis Google Android Auto, c'est tout à fait compatible. Mm-hmm. Et sur la version que j'ai, c'était en option, mais j'ai aussi le chargement de mon cellulaire par induction. Ouais. Parce que moi, j'ai un Android et pas les gens qui ont un iPhone. Ouais, c'est ça. Puis toi, t'as de l'argent pour t'acheter un téléphone Android qui fait du recharge par induction, puis pas moi. Fait que moi, j'ai un téléphone qu'il faut que je branche avec un fil USB. J'ai pas le choix. Non, mais c'est genre acheter maintenant, payer un moment donné, là, quand tu prends des contrats, là. Acheter maintenant et payer, continuer à payer quand votre téléphone n'est plus à la mode. C'est ça, mais c'est pas grave. Ça, c'est le modèle d'Apple. Mais je suis encore là-dessus, pareil. Ouais, bref, tout ça pour dire que ça fonctionne très bien. Mm-hmm. Et aujourd'hui, ben justement, quand je suis allé tourner l'émission Virage à Québec, j'ai fait l'aller-retour, chargé mon téléphone, tout était intégré, ma musique, Spotify, c'est super facile à utiliser. Bref, honnêtement, du point de vue technologique, j'ai été favorablement impressionné. Mm-hmm. Mais, objectivement, bon, confort, c'est bon. Gros bémol, c'est l'insonorisation. Je trouve qu'elle est plutôt mal insonorisée, je dois le dire. Je préfère un petit peu mieux. Mais c'est pas critique, là, mais oui, ça pourrait être un petit peu mieux. Ben, surtout avec les pneus d'hiver, je te dirais, aujourd'hui, quand j'ai roulé sur l'autoroute, c'est une chaussée qui est pas du tout glacée, pas du tout enneigée, là, c'est vraiment de l'asphalte et du soleil. Alors, évidemment, c'était beaucoup plus bruyant. Ça m'a dérangé un peu. Mm-hmm. Autre bémol, évidemment, d'importance, c'est l'espace dans la valise, parce que c'est là qu'on a logé les batteries lithium-ion, ce qui fait que ça limite considérablement l'espace disponible. Je suis allé faire l'épicerie, et ben honnêtement, j'ai rentré l'épicerie de la semaine là, mais aurait pas fallu que j'aille une plus grosse famille. Parce que là vraiment ça rentrait serré. Écoute, on parle de 328 litres d'espace de chargement, ce qui est pas vraiment beaucoup, tu comprendras, pour un véhicule quand même qui qui est de grande dimension. Là. On ne parle pas d'un petit véhicule. Là. Ça a quasiment 5 mètres de long, cette affaire-là. Là. On parle bon, de 4,9 mètres de long. Oui, mais c'est ça. Les batteries, ils sont pour beaucoup. Là. C'est ça qui mange la majorité de la place. Parce que tu prends une Malibu non hybride, là, puis le coffre là-dedans, c'est presque un loft. Là. Effectivement. C'est, non, grand, non, c'est pour là. Ça que là, les batteries, c'est incroyablement... Ouais. Bon, mais ça, c'est pas mal les deux seuls défauts, en fait, que j'ai trouvés à la voiture. Mm-hmm. Pour le reste, honnêtement... La technologie hybride est surprenante. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a pris le système de la Volt ouais. et de la Bolt, mm-hmm. mais on l'a appliqué à la Malibu hybride sans la portion rechargeable. Oui, c'est ça. Alors, on fait à peu près le même genre de système, c'est-à-dire qu'on a, bien sûr, deux moteurs électriques dans ce cas-ci, mm-hmm. Et les deux moteurs électriques servent à propulser la voiture, bien sûr, mais sont aussi... servent de transmission, si tu veux. Oui, oui, c'est alors, tout intégré. Alors, tu n'as pas de transmission CVT, tu n'as pas de transmission automatique. Mm-hmm. C'est vraiment une transmission qui est basée sur les moteurs électriques. Alors, ça, c'est intéressant parce que tu les sens pas vraiment et ça agit plutôt bien et tu n'as pas les inconvénients où tu as la sensation que la transmission glisse tout le temps, là, comme une CVT. Oui, c'est un fait. En dessous du capot, petit moteur 1,8 litres, 4 cylindres, 122 chevaux. C'est un petit peu plus que la Volt qui est à 1,5, mm-hmm. mais quand même, avec les moteurs électriques, ça fait une puissance totale de 182 chevaux, ce qui est amplement suffisant pour les besoins, même si, bien sûr, là, on s'entend pour dire que tu n'achètes pas de Malibu hybride pour le plaisir de conduite, nécessairement. En tout cas, pas pour les performances sportives. Non. Tu sais, puis j'ai pas perdu mon dentier sur le banc en arrière, là, en accélérant. Ne t'en fais pas. Non, ça, j'imagine. Par contre, ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est l'économie de carburant, tu t'en doutes. Oui, oui, oui. Parce que, écoute, sans faire attention, là. Je suis très franc, là. J'ai pas fait attention à mes accélérations, à mes freinages. J'ai suivi les limites de vitesse, ça, c'est clair. Mais, tu sais, j'étais à vitesse d'autoroute toujours et j'ai pas été particulièrement prévenant. Mais j'ai quand même réussi à maintenir une moyenne inférieure à 6 litres au 100. OK. Moi, j'avais fait un petit peu plus bas. J'avais fait entre 4 et 5, je me rappelle. Ouais, mais parce que tu vois, là, le plus bas qu'il y a d'enregistré sur la voiture, c'est 4,8. Ouais. Moi, j'ai fait à peu près 5,6. Ouais. Aller-retour, mais je te rappelle qu'on est quand même en hiver avec le chauffage dans le tapis. Alors ça, déjà, c'est bon. Ouais. Faut aussi savoir que la voiture, elle est disponible en mode 100% électrique, c'est-à-dire que tu peux faire quelques kilomètres en mode 100% électrique, mm-hmm. jusqu'à une vitesse de 85 km/h. Ouais. Ouais. Alors que la plupart de ses compétiteurs vont jusqu'à 40 ou 50 km/h seulement. Ouais. Et par contre, pour la charger, ben évidemment, tu te fies uniquement à la récupération d'énergie cinétique. Bref, pour à peu près 28 900 $, là, vite fait, là, t'as une voiture qui est honnêtement une nette amélioration par rapport à ce qu'elle était. Et un véhicule, si vous aimez le confort des voitures américaines, vous allez vraiment vous retrouver avec un véhicule fort intéressant. Et en tout cas, disons que par rapport à ce qu'était l'ancienne Malibu, là, vraiment, on est dans un autre monde complètement. Non, oh, c'est une voiture qui est confortable. J'avais beaucoup, beaucoup aimé. Je l'avais dit aux gens GM. Je pense que c'est une des voitures les plus confortables que j'aurais pu avoir quand j'ai fait mon Montréal-Toronto. C'était vraiment excellent. Là. Oh non, vraiment, c'est sans problème. Là. Bon, super. Donc, Marc, c'est beau pour ton essai. Merci. Là, tu as quelques nouvelles pour nous aussi. Ouais, ben en fait, on va faire quelques nouvelles parce que Samuel en a déjà fait. Mm-hmm. Alors, évidemment, une qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est le rappel que Ford a décidé de faire. On parle d'un demi-million de véhicules Canada-États-Unis, dont certains risquent de prendre en feu. Alors, on dit, par exemple, que 230 000 unités, il y a Ford Escape 2014, Ford Fiesta ST, Ford Fusion, Ford Transit Connect. Tous ceux qui sont équipés du moteur 4 cylindres EcoBoost de 1,6, il y a un problème avec le système de refroidissement. Les têtes de cylindres pourraient chauffer et craquer. Évidemment, à ce moment-là, ça fait une fuite d'huile et ça risque de brûler considérablement. C'était pas le problème original des EcoBoost 1,6, justement, à un moment donné, ça? Oui, exactement. Donc, on est là, on fait un rappel officiel, ce qui n'avait pas été le cas auparavant. Okay. Et il y a un deuxième rappel qui touche 211 000 unités entre les Ford Fiesta 2014, les Fusion 2013, les Lincoln MKZ de la même année. Et dans ce cas-ci, c'est un peu différent. C'est le ressort de la portière du passager qui pourrait se briser et qui pourrait empêcher la porte de se fermer correctement. OK. Ouais, hein. Là, tu as toutes sortes de petites affaires là, qui existent. Okay. Ça, c'est du côté des mauvaises nouvelles pour Ford. Okay. Du côté des meilleures nouvelles pour Ford, ben, on ne peut pas passer sous silence non plus l'investissement supérieur à $1 milliard que Ford a annoncé au Canada. Il avait annoncé cette semaine 1,2 milliard aux États-Unis. Il a annoncé à peu près l'équivalent au Canada pour, bien sûr, les usines qu'ils ont en Ontario pour y créer notamment un nouveau moteur plus efficace, parce qu'on se rappellera que les moteurs qui sont fabriqués en Ontario actuellement vont terminer la production d'ici 3 ou 4 ans. Mm-hmm. Donc, on assure la relève. Mais aussi et surtout pour créer un centre de recherche à Ottawa. Ah, OK. En matière de voitures électriques et de voitures autonomes. Bon. Et là, on parle de l'embauche de 300 ingénieurs qui vont aller là-bas et qui vont être en mesure de faire de toutes les études nécessaires à ça. Alors, j'ai trouvé que c'était quand même une nouvelle intéressante parce que on le sait, on avait un peu peur que Ford, suite à tout ce que Donald Trump avait dit, là, on avait un peu peur que Ford ait rapatrié tous ses investissements du côté des États-Unis. Mais finalement, il semble que non, le Canada n'a pas été oublié par M. Ford lui-même. Ouais, je trouve juste ça drôle un peu qu'ils investissent dans les voitures électriques là. Ils sont un peu en retard. Il aurait peut-être fallu faire ça deux ans. Là, mais on parle vraiment de voitures de très haute gamme, semi-autonome. Là. On n'est pas dans la batterie 200 km. Là. On est vraiment dans plus que ça. Quoi, la nouvelle Focus électrique, là, c'est vraiment plus que non, ça. Non. Okay. Non, c'est vraiment, vraiment plus que ça. Là. On est vraiment dans quelque chose de plus que ça. Là. C'est bon. Dans la série des nouvelles, ce qui s'en vient bientôt, puis j'aurai l'occasion d'y aller, c'est le salon de l'auto de New York, tu le sais. Et Honda a annoncé une petite surprise, c'est-à-dire que oui, Acura va présenter la nouvelle TLX, mm-hmm. On le sait. La nouvelle TLX, qui est une belle voiture qu'on attend aussi, on a juste hâte de voir de quoi sera fait le nouveau design. Ce qu'on a hâte de voir aussi, c'est que Honda a décidé qu'il présentait la Honda Clarity Plug-in. Ah, OK. Et ça, c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant, la Honda Clarity, il faut le rappeler, c'est la voiture qui était à hydrogène seulement. Mm-hmm. C'est une voiture qui, pour le moment, avait un réseau extrêmement limité de distribution. Mais là, avec une version plug-in, il y a peut-être des chances qu'on puisse l'avoir chez nous. Et ça devrait donc avoir l'occasion d'augmenter considérablement la distribution. C'est bon, Marc. On va terminer là-dessus parce que je sens que tu n'es plus tout seul dans ton studio. Donc, si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Alors, à part monter sur la chaise et aller te licher à la face, là, comment est-ce qu'ils font ça? Tu vois, j'ai quand même été discret, ils ont réussi à pas japper. Mais je l'entends respirer dans le micro, puis il a le goût d'être sa graine liche, fait qu'on va finir ça là. Mon problème, c'est que j'en ai une qui est une sportive qui respire un peu trop fort, fait qu'elle vient à part, elle vient à repart, l'autre est couchée sur mes pieds, est plus tranquille. Alors, je suis désolé, bienvenue au Chenil Bouchard. Alors, les gens peuvent me rejoindre, évidemment, la meilleure méthode, c'est par mon site, marcbouchard.ca. Il y a là toutes les coordonnées pour me rejoindre à la fois sur mon compte Facebook, mon compte Instagram, mon adresse courriel et lire mes derniers essais. Et bien sûr, il y a toujours notre adresse commune que tu vas te faire un devoir de préciser, mon cher. Ouais, podcast à saroule-radio.com. On est aussi sur Twitter à Saroule, le compte c'est Saroule Radio, sur Facebook Saroule Radio. On a aussi le site saroule-radio.com et moi, vous pouvez me suivre sur Twitter à Scalazormo. Vous pouvez aussi nous écouter sur plusieurs radios Internet, Radio H2O, il y a aussi Sport Radio et Radio Highway. Donc, je veux juste quand même préciser que même si mes chiens sont rentrés, c'est je suis pas pire que le correspondant de la BBC dont les enfants sont venus leur rejoindre. Oui, oui, c'était assez drôle. Puis ça n'a pas été le seul. Hein. Il y a eu plein d'autres vidéos aussi de gens que ça arrivait pendant des webconférences. Fait que non, c'est pas si pire que ça quand même. Tu vois, ils ont été tranquilles. Ben oui, ça, c'est des bons chiens. Donc, Marc, c'est beau. On se reparle la semaine prochaine. Et aux auditeurs, je vous dis merci encore une fois d'avoir écouté cette émission de Cerveau Radio. Et on sera de retour la semaine prochaine.